Alors les chroniques se suivent, mais là aussi, Géraldine, dans un tout autre genre, je tiens à le dire. C'est un autre genre, mais il est question à nouveau de gorge qui gratte. Alors ce matin encore, j'ai reçu ce message, Guillaume, je crois que ça va, mais j'ai la gorge qui gratte. Ou hier soir, par exemple, j'ai reçu un « j'ai mal à la tête ». Trois petits points. J'ai rarement eu autant de nouvelles, non pas de mes amis ou collègues, mais de leur corps. Et je dois dire qu'il y a peu de choses plus troublantes que d'être au courant du moindre signe physique d'un autre que soi. Alors certes, on n'est plus à l'époque de Descartes et du dualisme corps-âme, et on est en plein, il faut savoir s'écouter et faire un avec son corps. Mais de là à analyser chacun de ses mouvements, et surtout à en faire part, tout le temps, partout et à n'importe qui, comment est-ce devenu aussi fréquent? À quel moment le « ça va » est-il devenu l'autorisation à faire état de son état, à parler de son nez ou de ses céphalées? Alors oui, d'accord, je crois savoir à partir de quand, on dirait plutôt depuis mars 2020. Mais ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est qu'on a eu beau s'agacer d'être à distance des autres, on n'a jamais autant été en contact, au moins intellectuel, avec les miasmes de ces autres. Constat intéressant, mais vous voulez en venir où? Vous cherchez à nous dire que le corps des autres vous encombre? Je dirais plutôt que le corps tout court nous encombre, Guillaume. Il prend toute la place dans nos discussions intimes et pas que au travail, dans l'espace public, dans les œuvres d'art. Règles, mal de dos, fatigue. Ah, la fatigue, tout le temps, chaque jour que Dieu fait. Tout. Peau qui tire, rhume, froid, effet secondaire, poids, poils, bref, j'en passe. Tout ça pour dire que tout ça dépasse largement le cadre du Covid. Un philosophe comme Maurice Merleau-Ponty s'en serait peut-être félicité, lui qui souhaitait tant redéfinir une pensée à partir du corps et qui pour cela n'hésitait pas à faire appel à sa pipe. Si je suis debout et que je tiens une pipe dans ma main fermée, la position de ma main n'est pas déterminée par l'angle qu'elle fait avec mon bras avec mon tronc enfin avec le sol... Car je sais où est ma pipe d'un savoir absolu, et par là je sais où est ma main et où est mon corps. La mention de la pipe, je crois, donne une assez bonne idée de l'époque de Merleau-Ponty, hein, pas la nôtre mais 1945, et donne une très bonne idée du fait que le corps, à ses yeux, n'avait rien d'un objet de plus prenant place dans l'espace, mais ce à partir de quoi tout notre environnement est carrément enveloppé. C'est une idée assez complexe, non? Oui, Guillaume, mais elle est au moins claire sur ce point. On n'appréhende jamais son corps comme un objet de savoir distinct, à part, mais comme ce que l'on connaît de manière absolue. Est-ce alors ce qui se produit avec nos corps aujourd'hui? Eh bien, paradoxalement, oui. On sait absolument tout de nos corps. On ne sait pas seulement où ils sont, mais où ils en sont. Mais je dis paradoxalement, car l'environnement n'est plus alors enveloppé par nos corps, mais littéralement enveloppé slash étouffé par nos corps, et plus précisément par les symptômes de nos corps. Mais à la limite, ce n'est pas le problème, pas la peine de déplorer nos déplorations légitimes et somatiques. Ce qui pose problème, non, c'est plutôt cette manière non plus d'appréhender l'environnement, mais de le réduire à soi-même, autrement dit, de le faire disparaître. Rien ne m'environne plus, puisque mon corps déborde. Plus aucun objet n'existe à part entière, puisque tout est recouvert de mon mal ou bien-être. Plus de savoir distinct, puisque tout est approché à partir de ce que ça me fait, de mes impressions, de mes sensations. Parfois, j'en viendrai même à préférer toutes les théories qui font de nous des sujets désincarnés, sans nez qui gratte et en toute abstraction.